France Impro, ça donne chaud. We'll be right back. Eh bien voilà, on y est. On est toujours sur France Impro et vous avez eu raison de ne pas éteindre votre radio et de continuer à nous écouter. Et c'est la sixième ou septième émission. C'est comme on veut. C'est une émission spéciale, comme toutes les autres d'ailleurs. Et aujourd'hui, on accueille deux musiciens qui arrivent de quel endroit vous arrivez d'ailleurs ? Alors, de quel endroit ? C'est de Deux-Sèvres. Moi, je suis à côté de Niort. D'accord. Ok. Et toi, c'est Fabrice Favriou. Ouais, c'est ça. T'es guitariste et batteur. Exactement. Et tu joues aujourd'hui, enfin tu joues à Toulouse en tout cas. On a réussi à vous glaner dans votre parcours grâce à Eddy Boubaker hein, et la Maison Peinte. Et dans ce cadre-là, tu joues surtout de la guitare. Ouais, c'est un solo de guitare. Okay. Et sur cette tournée, on est à deux solos avec Eric donc Brochard. Yeah. Okay. À ma droite. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, tu es bassiste, contrebassiste ? Dans l'autre sens, je suis contrebassiste, bassiste. Contrebassiste, bassiste. Ouais. Ok, dans l'ordre quoi ? Chronologique ? Dans l'ordre chronologique, ouais. Ok. Dans l'ordre d'activité. Ok. J'ai beaucoup plus de contrebasse que de basse. Super. Bon, bah voilà, on est tous les quatre dans le studio avec Dominique Eau à la technique et aussi. On va tous discuter ensemble ce matin. Bonjour. Bonjour. Eh bien voilà, alors, et toi Eric, de quel coin tu arrives ? Pas loin de chez Fabrice, dans les Deux-Sèvres aussi, okay. Au nord de Parthenay. Ok, d'accord, super. Vous jouez souvent, tous les deux ensemble ? Oui et non, en fait. Parce qu'on a fait pas mal de groupes autrefois, au Club Carré Bleu, Jazz à Poitiers, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, on a monté des groupes, ça. Okay. Et puis ça fait longtemps qu'on fait des parcours un peu parallèles. Donc on monte des tournées solo, donc on joue pas ensemble, mais on échange énormément. D'accord. Le Carré Bleu. Oui, le Carré Bleu. Tu nous en parler ? C'est à Poitiers, c'est un endroit qui fait partie de la MJC, Aliénor d'Aquitaine, et où est basée l'association Jazz à Poitiers. Voilà, où il y a des concerts toutes les semaines, beaucoup de musique improvisée, même surtout. Voilà, et on a commencé là-bas en 98-99, on a fait toutes nos écoles là-bas, on a fait vu beaucoup de concerts, beaucoup de musiciens, échangé beaucoup, et après nous-mêmes, on a pratiqué là-bas. Ok, donc en fait, là, du coup, on peut dire qu'il y a deux solistes qui jouent parfois ensemble. Ouais, on a des projets où on joue ensemble, mais sinon, en l'occurrence, là, c'est double plateau solo, on a deux solos et... On voyage ensemble, en duo, et on joue en solo. C'est pas facile tous les jours. Oh, tu vas pas recommencer. Et le fait de tourner ensemble, c'est plus une histoire d'opportunité ou il y a une cohérence entre vos deux démarches, vos deux spectacles, enfin, deux performances ? Oui, si, enfin, il y a à la fois une cohérence, il y a un lien d'amitié aussi, on aime beaucoup, on se marre. Quoi. Même si nos deux, enfin, il y a une cohérence esthétique dans nos deux trucs, après c'est pas tout à fait la même musique, mais c'est bien complémentaire. Quoi. Moi, c'est quelque chose, dans ce solo-là, c'est plutôt un parcours, avec des écueils, des accidents, mais c'est un parcours avec une dramaturgie. Quoi. Et Fabrice, c'est un truc beaucoup plus brut. Donc, dans le concert, ça fait vraiment deux histoires très différentes. D'accord. Ouais, une pièce plus composée pour ta part, et puis moi, c'est plus impro frontal. D'accord. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a écouté voilà ça. Ouais. D'ailleurs, si tu peux nous en parler un petit peu, qu'est-ce qu'on a écouté au démarrage de l'émission ? Alors, on a écouté un extrait d'un de mes deux CD que j'ai fait en solo guitare. Donc, c'est guitare électrique avec plein de pédales et deux amplis en stéréo. Et c'est ce qu'on a entendu, quoi. On peut qualifier ça de noise, indus, ça dépend des moments. D'accord. Ça date de quand, ce disque-là ? Je crois que c'est 2008. D'accord. C'est un disque qu'on peut trouver quelque part, de la musique qu'on peut entendre quelque part ? Ouais, on peut l'acheter sur notre... On a un petit label qui s'appelle Orchesme, où on a quoi ? Une quinzaine de... Ouais, 15. Quinzaine de références. Quinzaine de références, ouais. 12. 12. 12-13 avec le lobe. Ouais, c'est ça. Avec d'autres musiciens On est trois en fait à avoir monté ce micro-label, donc Eric, moi-même, et une amie qui s'appelle Claire Bergerot, qui est une chanteuse avec qui on travaille aussi. Bonjour. Et ça permet de diffuser nos travaux. D'accord. Voilà. Il y a un site internet qu'on donc, peut... Oui, non. Orchestre avec un K, donc c'est orkesme.com. Orkesme.com. Orkesme.com. Ok. Oui. Ah, pardon. O ou E? Orke. Ah, pardon. Okay. Comme, un voilà. Comme un orchestre. Comme un orchestre. Comme un orchestre, bien sûr. Mais où avais-je la tête? Ok. Très bien. Mais de toute façon, alors pour ceux qui n'ont pas de stylo sous la main, nous allons consciencieusement écrire ce lien-là et le mettre sur le site de France Impro, franceimpro.net, que vous pourrez donc consulter, suivre et creuser. Je vous propose qu'on écoute un extrait du disque d'Eric. Oui. Maintenant, alors vas-y, parle-nous alors, un petit peu. C'est un trio, alors c'est pas du tout de la basse électrique, c'est, on va changer de registre, c'est un trio dans lequel je joue qui s'appelle Spoo. Donc où je suis la contrebasse, il y a Eric Vagnon qui joue saxophone baryton et Nicolas Lelièvre qui est à la batterie. Et puis c'est un genre de groupe de free jazz, mais ce serait plutôt du free plutôt rock, free quelque chose. D'accord. Et c'est un projet récent? C'est un groupe qui existe depuis 6 ans, 7 ans, je pense. Mmh. Et le morceau du disque est sorti en 2013. D'accord. Il y a deux disques. Il y a deux disques, oui. Mmh. Et ça, c'est le dernier. Mmh. Ok. Eh bien, c'est parti. J'envoie. Non, je n'en vois pas. Ça ne marche pas. Évidemment, c'est le CD qu'on vient de changer. Alors, oui, la piste 2, il ne veut pas, il ne reconnaît pas le CD. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, j'essaye de voir ce qui se passe, improvisez au micro, dites des choses. Ah, c'est mon... C'est Spoo, quoi. C'est Spoo, c'est ça. Ouais. Et c'est pas du CD, pourtant, ça? Non. Ah. Et non, il passe pas? Ah! Eh bien, viens là. Voilà, plutôt. On va se préparer à notre CD. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Le lecteur ne veut même pas l'éjecter. Donc, il n'aime pas du tout ce disque. Il n'aime pas du tout Spoo. Non, il n'aime pas du tout Spoo. Vous avez échappé à quelque chose, je pense. Où est-ce qu'on peut acheter ce disque? Sur Spoo-musique.com. Où est-ce qu'on peut jeter ce disque? Sur Spoo-musique.com, si l'ordinateur arrive à y aller. Donc, on passe un autre disque, du coup. Alors, qu'est-ce que... Eh bien, du coup, on va passer, vu qu'on est en tour basse électrique, mais c'est aussi un CDR, mais il est passé tout à l'heure. Et le bug de l'an 2000, c'était vous aussi. C'était moi. Donc, du coup, là, vas-y, qu'est-ce qu'on va écouter? Obscur, donc c'est le solo de basse électrique sur lequel on joue avec Fabrice. Là, sur le... D'accord, donc j'envoie la piste combien? 4, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ce que tu as dit. Ouais. Ok, c'est parti. Thank you. Alors Rick, parle-nous de ce qu'on vient d'écouter. Eh bien, c'est obscur, j'appelais ça obscur. C'est une commande, en quelque sorte, du directeur du club dont on parlait tout à l'heure, là, de Carré Bleu, qui connaît mon attrait pour des musiques doom, metal, tout ça, et m'a demandé de faire un solo de basse. Je jouais à la maison, enfin, je jouais juste chez moi. Au début, j'ai refusé parce que je ne sais pas trop faire ça. Et puis, en réfléchissant, tiens, c'est quand même un bon challenge d'inventer quelque chose autre qu'à la contrebasse. Et voilà, et puis je suis tombé sur ces textes là, de la personne qu'on entend, là, qui s'appelle Aleister Crowley, qui est un poète anglais début 20e, un poète un peu sulfureux, un peu sataniste. Mais le timbre de sa voix me parlait bien, quoi. D'accord. Donc voilà, donc j'ai construit cette pièce un peu comme une composition avec une petite structure, enfin une structure. Et sur ce disque-là, c'est tout enregistré numérique, parce que je suis toujours aficionado de Linux, de tous ces trucs libres. Ah, on peut en parler aussi. Moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Voilà, donc c'est tout fait logiciel libre. Ok. Et maintenant j'ai changé, parce que la version que je joue maintenant est toute analogique. D'accord. Donc j'ai enlevé. Il y a toujours un ordi sous Linux en fin de course, mais sinon c'est tout des effets homemade, soudé avec mes petites mains. Tout ça. D'accord. Voilà, donc le son est totalement différent, mais la structure, si on peut parler, c'est la même chose, quoi. Et j'avais eu envie sur ce projet-là. Comme les logiciels qu'on trouve avec des versions 1, des versions 2, des updates, tout ça, c'est d'avoir toujours le même type de choses obscures, mais avec l'évolution de moi, avec mon évolution. Donc des mises à jour. Des mises à jour. Mmh. Donc le prochain disque sera presque. Enfin, ce sera la même chose, mais pas la même chose. Ce sera organisé de la même façon, mais avec l'expérience que j'ai acquis depuis. D'accord. L'update, je vais l'enregistrer, je pense, dans pas bien longtemps. D'accord. Ça peut être l'occasion de juste dire un mot des outils qu'on trouve en logiciel libre sous Linux, qui sont extraordinaires, pas forcément évidents à prendre en main. Qu'est-ce que tu utilises, toi ? Moi, j'étais sur Ardour. Ardour, oui. Ouais, que j'ai compilé, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz, mais qui est quand même très, très puissante. C'est quoi, Ardour ? C'est un multipiste ? Ouais. C'est Logic Pro. Voilà, c'est Logic Pro, mais disponible donc sur une plateforme logiciel libre Linux qu'on peut télécharger. N'importe qui peut télécharger, utiliser ça sur son ordinateur. Bon, évidemment, il faut avoir un ordinateur qui tienne un peu la route, et c'est pas forcément super simple à utiliser, mais ça met virtuellement dans les mains de n'importe qui des outils de studio professionnels. Oui, c'est ça. Ok, super. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça s'entend dans l'émission, mais c'est un peu chaotique en ce moment avec l'arrivée de Vincent Ferrand, avec une petite heure de retard. Hein, donc il s'est trompé d'un mois, donc on ne s'en sort pas si mal finalement. Donc Vincent Ferrand qui fera partie du trio de contrebasse que nous proposons en deuxième partie d'émission, ou en deuxième émission, il faut encore qu'on décide comment ça va s'organiser. Alors, est-ce que... on a parlé de Aleister Crowley, on a parlé du timbre. Oui, tu avais dit des choses sur Aleister Crowley tout à l'heure qui étaient super. Satanique dégueulasse. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux creuser un petit peu ce que tu entends par satanique dégueulasse? Donc c'est ça qui te plaît de toute façon. Non, ce monsieur était quelqu'un qui était très, très ésotérique et qui était assez branché par la défonce pour aller vers l'extase, donc que ce soit drogue. Magie sexuelle, comme ils appelaient ça, oui. Des choses relativement déviantes. D'accord, ça date de quelle année ? Début 20e, d'accord. Ouais. Et les voix qu'on a entendues, c'est des vrais enregistrements de l'histoire collée, d'accord. Oui, en 1916. D'accord. Et ce type a inspiré tout un courant de pensée et beaucoup de musiciens, sur les gens de Led Zeppelin notamment. Quand tu regardes sur les disques, il y a des symboles au milieu de certains disques. Sont toujours les mêmes, c'est les symboles ésotériques qui viennent d'Aleister Crowley. D'accord. Et sur le disque des Beatles, j'oublie chaque fois le nom, où il y a toutes les têtes de il y a plein de visages. C'est Sergeant Pepper, je sais pas. Non. Il y a plein de personnages. Il y a plein de personnages. Il y a plein de visages. Ouais. Seulement des visages. Ouais. Alors, je voudrais pas dire c'est une un disque connu, mais moi je connais pas trop. Le... Très bien. Et le deuxième. Les Beatles, tu dis, c'est ouais, quoi ouais. Comment s'écrit ça Et le deuxième visage en haut à gauche du disque, c'est lui, c'est ah ouais. Ouais. D'accord. Monsieur Chauve. Oui, c'est peut-être voilà. Sur Sgt Pepper, effectivement, il y a plein de monde sur la. C'est ça. Sur ouais. La foule, ouais. Quoi. Ouais. Ouais. Et voilà, Jimmy Page, pour la petite histoire, avait acheté son manoir qui était sur le bord du Loch Ness. D'accord. C'était tout un truc. Ok. Et par rapport à ça, enfin, je permets de prendre la parole, ce qu'on a écouté, ton solo, les sons sont générés à la basse par la basse. Oui, quoi. Oui, il n'y a rien. Précisé, de... avec des objets et tout. Mais... Oui, tout est fait manuellement. Il n'y a pas de. À part. Il n'y a pas de son injecté. À part Crowley qui est sur un Walkman. Qui est sur un Walkman. Et... Ok. Je vous propose qu'on essaye de continuer avec Spoo, que le lecteur a refusé sauvagement de passer tout à l'heure. C'est parti pour Spoo. We'll be right back. êtes sur France Impro. Et oui, Lila vient de nous le rappeler. Nous sommes sur France Impro. On vient d'écouter un morceau Spoodification. Éric Brochard, Éric Vagnon, Nicolas Lelièvre. Eh bien, bienvenue à tous, re-bienvenue à tous ceux qui nous écoutent déjà. On vient d'accueillir Vincent Ferrand, qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, bienvenue Vincent. Vincent, qui est contrebassiste et qui a gentiment accepté l'invitation de venir jouer à un moment donné de l'émission en trio, Éric Brochard à la contrebasse, Vincent Ferrand à la contrebasse et Youssef Ghazal à la contrebasse. Voilà, on vient d'écouter un morceau. Eric, est-ce que tu peux nous en dire deux, trois petits mots Sur ce morceau, sur ce groupe, ouais. Qui s'appelle Spoo, il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et tout ça, c'est improvisé, on n'a pas, de ligne directrice, il n'y a rien. Sauf qu'on voulait faire quand même quelque chose qui est d'un peu bruyant. Bruyant, un peu façonnant, parce que ça joue très fort. Mmh. Là-dessus, je joue sur... beaucoup voilà. Ok, et alors juste pour parce que du coup c'est une émission qui parle de musique improvisée et qui s'adresse à tous. Moi j'aimerais bien juste qu'on parle un peu des lieux de diffusion, comment on en arrive à jouer de cette musique là et dans quel endroit est-ce qu'on peut en écouter. C'est pas toujours évident de se produire avec cette musique là de moins en moins ouais. Mm-hmm. Et nous on a vraiment la chance, je reviens sur cette histoire de Poitiers au Carré Bleu, on a vraiment la chance d'avoir cet endroit parce qu'on y a fait vraiment nos armes. Mm-hmm. On a vu beaucoup de concerts et il y en a encore beaucoup, donc là on y va moins parce que, quand on rentre à la maison après les concerts, on a envie de rester à la maison, mais il y a toujours, c'est très actif là-bas quoi. D'accord. Ça fait combien de temps que ça existe? Sous la forme actuelle depuis 1998. Ok. 97-98. Et avant il y avait une association qui s'appelait Jazz de Ville. Mm-hmm. Qui était tenue par d'autres gens de Poitiers et ça a fusionné, c'est devenu Jazz à Poitiers, à Carré Bleu, sous la forme qui existe encore maintenant. D'accord. Donc voilà, et sinon pour jouer ces musiques-là, hormis quelques endroits dits officiels, entre guillemets, c'est compliqué. Quoi. Il faut, c'est beaucoup chez l'habitant, c'est beaucoup. Circuit alternatif, c'est une alternative. Ouais. Donc des gens plutôt initiés à cette musique-là. Et qui, beaucoup de musiciens qui. Organise pour se passe quelque chose. Quand il y a des concerts, je pense à Poitiers, à Nantes, le Câble par exemple. C'est un collectif qui est tenu par des musiciens et qui se démène pour organiser un festival, une programmation à l'année aussi. Et c'est dans ces réseaux-là surtout qu'on joue nous. Ok. Festival qui a lieu février. D'accord. Troisième week-end de février. Ok. À Toulouse, il y a des festivals. Est-ce que ça existe encore Je sais que j'ai vu tout un festival une année. Excusez-moi. J'avais pas raté un seul concert d'un festi qui s'était passé beaucoup au Mandala. Je sais même plus comment il s'appelait. J'y avais vu Vodrashka et Ramon Lopez, notamment. Oui. Putain, qu'est-ce que j'avais halluciné. C'était la première fois que je voyais Ramon Lopez. Il a commencé en donnant, je sais pas, une vingtaine de coups sur ses cymbales, comme ça, c'est régulier. Et putain, à chaque coup, j'avais l'impression d'entendre. Non, mais c'était monstrueux. Oui, j'étais là aussi, c'était extraordinaire. C'était monstrueux. Ouais. Génial. Effectivement, voilà. Je ne sais pas du tout le nom du festival. C'était quand? C'était il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Ouais. 3 ans. Et je ne sais pas comment ça s'appelle. Et le mandala a plus ou moins fermé ses portes. Voilà. Exactement. Toulouse est en deuil un peu quand même. Hein. Ouais. C'était une salle extraordinaire. Ouais. C'est reparti là. C'est reparti? Dans pas très longtemps. Ah, tu as des bonnes nouvelles là. Ouais. Excellent. Ils ont réussi à se mettre d'accord. Eh bien, c'est repris par un collectif de gens. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais c'est reparti pour un tour. Ouais. D'accord. Excellent. Cool. Donc, un nouveau lieu pour votre prochaine tournée, Eric et Fabrice. D'ailleurs, en parlant de lieux et de gens, vous pouvez nous donner un peu de détails sur votre tournée actuelle là, comment ça se passe? Comment ça s'organise, une tournée comme ça? Dans quelle salle? Dans quel lieu? On met beaucoup de temps pour ça demande beaucoup de temps, il faut le faire très longtemps en amont pour réussir à caler les jours qui suivent à peu près et pouvoir faire un tour quoi. Éviter de traverser la France 3 fois en une semaine. C'est ça. Donc là on a commencé cette période là il y a 3 semaines, on a fait 4 concerts, on était plutôt Touraine, Anjou, on a joué au Mans, à Vendôme, à Tours, on a joué jouait au Carré Bleu à Poitiers. Et donc là, hier soir, nous étions au Caméléon. À Toulouse, donc. À Toulouse, avant. Attends. Faut y aller, parce que c'est super, c'est un super lieu. Ah oui, et avant-hier, on était où déjà, j'oublie. Vers Tarnac. Ah oui, on était en Corrèze. Où est-ce que c'est le Caméléon? Je sais plus le nom de la rue, c'est vers ce quartier Saint-Cyprien. D'accord, c'est ça. On va retrouver l'adresse exacte et on la mettra sur le site franceimpro.net. Ouais, c'est un super lieu. Et donc, faire un peu de pub. Là, et ce soir, nous jouons chez Eddie Boubaker à la Maison Peinte. Donc, typiquement, l'archétype du lieu privé, hein, donc ouais, chez Eddie Boubaker, qui fait un travail extraordinaire. Ouais. De promotion et qui est musicien également et qui est déjà passé à cette antenne. Mais là, on va pas jouer nos solos. Là. On va faire des rencontres. Donc, Fabrice va jouer avec Eddie et moi, je vais jouer avec un saxophoniste qui s'appelle Florian Nastorg. Oui, Nastorg. Ouais. Nastorg, pardon. Ouais. Excuse-moi, Florian. Ah non, je ne connais pas encore. Il ne faut pas écorcher le nom de Florian à Toulouse. Hein, tu vas te faire des ennemis. Damned. Voilà, et après, je pense qu'on fera une rencontre en quartet. Super. Donc, ça va être autre chose. Quoi. Super. Ok. On enchaîne avec un petit morceau de Fabrice. Ouais, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce morceau, Fabrice? Alors ça, c'est un projet, j'ai acquis un harmonium il y a une dizaine d'années, qui est resté dans mon garage, je ne m'en suis pas approché, il est resté fermé pendant 6-7 ans. Et un jour, je l'ai ouvert, j'ai commencé à jouer, et il est abîmé, il y a plein de parasites, en fait, les lames sont fêlées, etc. Il y a des fuites d'air dans tous les sens, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'en ai fait un disque, voilà. D'accord. Et c'est acoustique et un harmonium, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en pédale, ça remplit une réserve d'air qui passe dans des lames un peu comme un accordéon. Mmh. Et comme il est esquinté, abîmé, ben, ça donne ça. D'accord, donc c'est un disque enregistré dans ton garage. Ouais. Ok, très bien. Donc pour la tournée, ça va être un peu compliqué. Alors justement, ben, je ne peux pas le jouer solo avec cet harmonium, évidemment, parce qu'il faudra un camion 4 ou à 10. Donc du coup, j'ai acquis un petit harmonium indien et là, je vais pouvoir faire des concerts. J'ai commencé à faire des concerts et je peux le trimballer sur un diable et je pars en train. Ah, c'est dommage que tu aurais pu le prendre. Là, tu l'as pas dans ta tournée actuelle. Non, d'accord. Non. Okay. Mais on va faire une tournée acoustique bientôt. D'accord, super. Bon, vous donnerez des infos sur votre tournée acoustique un peu plus tard. Il faudra penser à le dire. Hein. D'accord. Donc c'est parti pour solo d'harmonium, Fabrice Favriou. c'était une piste d'harmonium solo par Fabrice Favriou. Fabrice ? Ouais. tu voulais parler de drones ? Oui, oui, parce il se trouve que moi je suis très attiré par les drones, c'est ce qu'on vient d'entendre en fait. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Moi ça m'intrigue. Le drone, on retrouve ça dans des cultures. Les Américains par exemple, ils ont pas mal de drones, je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux mots ? Je pense, oui, parce que ça veut dire bourdon. Et le drone, bah, c'est quelque chose qui vibre, et qui, comme un bourdon, quoi. Ça existait bien avant, ce terme musical existait bien avant la mode des drones actuels. Et on trouve ça dans des cultures ancestrales, et ça engendre une sorte de transe où c'est hypnotique aussi. Et c'est ce qui m'intéresse, moi. Je peux écouter ça des heures. Ça me fait du bien. En fait, moi, j'apprends un mot parce que pour moi, le drone, je bosse avec. Tu sais, je fais les musiques des documentaires des mutins de Tanger. Mm-hmm. Et quand ils me demandent des drones, c'est des trucs qui partent de rien et qui font. Ah, c'est ça, ils appellent un drone. Pour moi, je croyais que c'était ça un drone. Du coup, ils me demandent un drone, moi, je leur fais ça. Ah, c'est marrant. Et du coup, c'est pas, en ouais, fait, ouais. C'est pas ça. C'est pas le même langage. Quoi. Ben, je sais pas. Ouais. Alors, moi, le drone dont on parle d'habitude, c'est plutôt comme le présente Fabrice. D'accord, très bien. Voilà, donc quelque chose de répétitif. Quelque chose en fait, de continu. Ouais. Son continu. Et d'ailleurs, enfin, souvent, on parle de bourdon plutôt que de drone avec des instruments comme la cornemuse ou comme la musette ou la vielle à roue. Voilà, absolument. Ouais. Là, on parle de drone ou de bourdon. Ouais, mais par contre, un drone qui explose d'une certaine manière, ouais, c'est assez intéressant. Il me demande ça, ouais. Alors, et tu dis, c'est dans quel contexte ? Pour les documentaires des mutins de Pangée. Vous connaissez les mutins de Pangée ? Non. Ah, c'est formidable. Ce sont des documentaires militants. Donc, par exemple, là, sortent les avant-premières le 25 à Paris et à Lavelanet le 27 d'un film sur Howard Zinn. Oui. Voilà, donc c'est ce courant-là de pensée, Howard Zinn, Noam Chomsky, mm-hmm. etc. Donc on a fait des documentaires là-dessus, et c'est vraiment une coopérative cinématographique qui crée des documentaires. Comme ça. Il y a des films de fiction aussi, et c'est des gens vraiment formidables pour qui j'ai la chance de faire les musiques depuis pas mal de temps maintenant. Et donc voilà, donc dans ce cadre-là, ils ont besoin d'un drone, je leur fais un drone. Donc par exemple, j'enregistre un accord de piano, et je le passe à l'envers, et ça fait. D'accord. Tu peux nous donner un pointeur vers un site internet ou Bien sûr, lesmutins.org. Vraiment, allez-y, c'est vraiment des gens formidables. Les gens qui sont au gouvernement et les classes dominantes n'ont pas intérêt à comprendre, à ce qu'on comprenne que on peut faire changer les choses, en fait. Voilà. Mmh. Et donc, on peut faire changer les choses, et notamment en jouant de la musique improvisée, par exemple. D'accord. Mmh. Et en écoutant. Ouais. Très bien. On enchaîne sur un autre disque. Eric, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, du coup, c'est pas un drone dans la forme de ce qu'on a entendu là. C'est un solo de contrebasse où moi je joue sur trois notes, là en pouce, et c'est un mouvement répétitif, mais à la fois très organique, au fur et à mesure de l'évolution, beaucoup d'harmoniques commencent à s'émettre, et à l'intérieur de ça, on peut choisir ses chemins d'harmoniques, comme si on avait une musique polyphonique, et on pouvait changer de canal à tout moment, en se concentrant, au bout de beaucoup d'écoute, on peut vraiment... changer de canal, quoi. C'est assez drôle. D'accord. Bon, on va proposer une écoute là tout de suite. Et pour ceux qui voudraient faire beaucoup, beaucoup d'écoute, il y a toujours moyen de télécharger l'émission sur franceimpro.net et de l'écouter en boucle. Ou sinon, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut écouter cette musique ? Oui, notamment sur mon site, c'est ericbrochard.net. Ericbrochard.net. On essaiera de mettre le lien aussi. Il va y avoir beaucoup de liens sur cette émission, c'est super. Mmh. C'est parti.